Tu reviens le petit matin avec un peu de lune dans tes mains, le regard tourné vers ta nuit, en sablant ton dernier whisky. Je voudrais t'avoir attendu avant de t'avoir vu. Dans ta tête trop bien faite, ce champagne fait de cet tapage, tout ça c'est vraiment bien trop bête. Tu me souris comme un gamin, tu étais avec des copains, et tu es sûr que je ne vois pas que tu es encore là-bas avec une fille un peu triste au fond d'un cabaret d'artistes. Gin et whisky font mauvais ménage dans ta tête trop bien faite. Tu as encore fait de ces ravages, ce soir ça a été leur fête. Baisse le rideau, va te coucher, le spectacle est terminé. Ton dernier salut au public, c'est ta gueule de bois fantastique. Ne te retourne surtout pas, je ne me suis déjà plus derrière toi. Gin et whisky, c'est trop pour toi, pour ta tête bien trop pleine. Il suffit d'un assez trois rois pour que ce soit ton jour de veine. Gin et whisky font mauvais ménage dans ta tête trop bien faite. Le matin sera ton image, il a la gueule des défaites. Là,